Monsieur de Phocas, quatrième partie, quatrième chapitre, l'emprise. Juin 1898. Cet homme a dit vrai. Il ressemble au nain du duc d'Albe. Je suis retourné trois fois au Louvre, m'absorber devant l'Antonio Moreau. Et à chaque visite, s'est affirmée la ressemblance odieuse. Étal est l'effarant sosie du gnome encapuchonné du maître flamand. Il en a la tête énorme, l'encolure épaisse, le torse trop long, comme dévié sur les jambes trop courtes, le je ne sais quoi d'oblique et de tortue. Les mains noueuses et poilues du nain, ses doigts crochus cerclés de bagues lourdes sont les mains et les doigts d'Étal. Étal a ce front bas, ses sourcils en broussailles et ce nez bulbeux et renifleur. Cette bouche sarcastique est la sienne. Sienne, ses paupières grasses et pesantes à l'abri desquelles une malice embusquée clignote et luit. Cette physionomie malfaisante et sensuelle de kobold déguisé en bouffon ducal est à crier la physionomie de mon peintre. On sent en lui une âme attentive et sournoise, toute de luxure et d'ironie, une âme faunesque que la morgue et le Kant anglais costument mal, et certes les éclatants oripeaux et la sonnaillante marotte d'un fou lui sieraient mieux que le frac, tant son être est d'une ambiguïté grimaçante. Un détail surtout impressionne en lui, cette poitrine velue, cyniquement offerte dans l'échancrure démesurée de ses cols, une poitrine de charretier, où semble tapie quelque affreuse araignée, hérissée de poils noirs. Toutes ces choses hideuses et même répugnantes, je ne les avais pas remarquées lors de nos premières rencontres. L'esprit de ce diable d'homme exerce sur moi un tel empire. Je ne m'en suis aperçu qu'à la longue, et encore Étal a pris soin d'appeler mon attention sur cette ressemblance. Je n'ai découvert toutes ces choses qu'une fois averti, et c'est lui qui m'a envoyé au Louvre. Lui qui m'a fait remarquer l'effrayante analogie qui existe entre cet horrible nain et lui. Pourquoi ? Étrange, c'est que cette laideur, au lieu de m'éloigner, m'attire. Ce mystérieux Anglais me tient sous un charme. Je ne peux plus me passer de lui. Depuis que je le connais, la présence des autres m'est devenue plus intolérable encore, leur conversation surtout. Oh, comme elle m'angoisse et comme elle m'exaspère. Et leur attitude, et leur façon d'être, et tout. Les gens de mon monde m'étristent pareil, comme tout ce qui vient d'eux m'irrite, m'attriste et m'oppresse. Leur vide et bruyant bavardage, leur perpétuelle et monstrueuse vanité, leur effarant et plus monstrueux égoïsme, leurs propos de club. Oh, le ressassage des opinions toutes faites et des jugements appris, le vomissement automatique des articles lus le matin dans les feuilles et qu'on reconnaît au passage, leur désespérant désert d'idées, et là-dessus l'éternel plat du jour des clichés trop connus sur les écuries de course et les alcôves des filles et les loges des petites femmes. Les petites femmes, autres loques de langage, la sale usure de ce terme avachi. Oh, mes contemporains, mes chers contemporains, leur idiot contentement d'eux-mêmes, leur suffisance épanouie et grasse, le stupide étalage de leur bonne fortune, les 25 et 50 louis, sonnant de leur prouesse tarifée, toujours au même chiffre. Leur gloussement de poule et leur grognement de porc, quand ils prononcent le nom de certaines femmes, l'obésité de leur cerveau, l'obscénité de leurs yeux et la veulerie de leur rire. Beaux pantins d'amour, en vérité, avec l'affaissement esquinté de leurs gestes et le démantibulé de leur chic. Le chic, un mot hideux qui sied comme un grand œuf à leur allure, affalé de croque-morts, épanoui de Falstaff. Oh, mes contemporains, les sus de mon cercle, pour parler leur argot ignoble, depuis le banquier juif qui les a eues toutes, et racole, cyniquement pour l'affaire, jusqu'au gras journaliste qui a son couvert, lui aussi chez toutes, mais à de moindres taux, et parle tout haut, ses articles, comme je les hais, comme je les exècre, comme j'aimerais leur manger, et le foie et le fiel, et comme je comprends les bombes de l'anarchie. Pourquoi étale-t-il éveillé en moi ce déchaînement de haine? Certes, cette horreur des hommes, cette abomination des mondains surtout, je les ai toujours eus en moi, mais comme assoupis et couvés sous la cendre, l'attente. Mais depuis que je le vois, c'est comme un ferment qui s'aigrit et bouillonne. Une fureur me soulève tout, comme un vin nouveau, un vin d'exécration et de haine. Tout mon sang bout, toute ma chair me fait mal, mes nerfs s'exacerbent et mes doigts se crispent. Des envies de meurtre traversent mon cerveau. Tuer quelqu'un, oh, comme cela m'apaiserait, éteindrait ma fièvre. Et je me sens des mains d'assassin. Si c'est ça, la guérison promise, pourtant la présence et la conversation de Claudius me sont un bien-être. Sa présence me rassure et sa voix me calme. Depuis que je le vois, les figures d'ombre qui grimaçaient autour de moi sont moins distinctes. Je n'ai plus l'obsession lancinante des masques. Et le vertige des yeux verts, des glauques prunelles de Lentinus, s'est évanoui. Les yeux, je n'ai plus la folie des yeux. Cet homme a enchanté mon mal. Sa conversation est d'un tel charme, c'est un tel éveilleur d'idées. Ses moindres phrases trouvent en moi de tels échos. Ce sont mes pensées, même les plus lointaines, les pas encore nées, celles que je ne soupçonnais pas, que sa parole évoque et fait naître. Ce mystérieux causeur me raconte à moi-même, donne un corps à mes rêves, il me parle tout haut. Je m'éveille en lui comme dans un autre moi plus précis et plus subtil. Ses entretiens m'accouchent de moi-même, ses gestes fixent mes visions, et je lui dois la lumière et la vie. Il a dissipé, écarté mes ténèbres. Les spectres ne m'y menacent plus. Et pourtant cette haine atroce et cette fureur de meurtre qui grandissent. C'est une des phases de ma guérison, peut-être, car je guérirai. Claudius me l'a promis. Juillet 1898. Claudius a comme moi la curiosité des music-halls et des bals publics. Le corps humain, dont la laideur aussi l'attriste et l'irrite, quand par hasard il se meut en beauté, devient pour lui une source de joies indicibles. La pureté des formes, leur souplesse et leur vigueur, lui aussi l'apaise, le rassérène. Cette beauté, Claudius a, pour la découvrir, un œil d'une acuité singulière, et cela sous les plus piteuses loques, sous le déguisement des plus mornes haillons. Cette beauté, c'est surtout chez les filles des rues, les miséreux et les voyous, que son flair d'artiste la piste et la déterre, et avec quelle inquiétante divination. Et c'est pourtant le peintre attitré des grandes dames. Le goût de Claudius va à la chair gueuse, comme le pourceau va à la truffe. Il a pour la plaie et la guenille un amour perspicace et sûr de mauvais Christ, dit-il lui-même en goguenardant. L'autre soir, dans ce bal de la rue de la Gaîté, où nous étions entrés en revenant de Versailles, dans cette salle surchauffée et saturée d'exhalaisons rousses, au milieu de ce public d'ouvriers, endimanchés, d'apprentis de métiers vagues et de toutes les prostitutions, son œil clair et sournois de jouisseur est allé tout de suite à ce couple. La femme, toute jeune encore, d'une maigreur ondulante, sous les longs bandeaux plats empruntés à Mérode, toute jeune et déjà fanée, mais d'une fanerie morbide, capiteuse et vicieuse de faubourg parisien, quelque brunisseuse sans doute. Oh, le rose fiévreux de son mauvais sourire et la cernure meurtrie de ses grands yeux voraces, et le regard noir dont elle suivait les gargouillades et les ébats de son danseur. Ce danseur, sans doute son amant, l'avait lâché, et, un peu parti, l'air débraillé et casseur dans un complet de velours élimé, torse en avant, le jarret tendu, il fringuait tel un poulain échappé dans ce bal, happant victorieusement les femmes au passage et les faisant pirouetter comme autant de toupies, à tour de rôle l'une après l'autre, elle ravie et soulevée, lui bien campée sur ses talons. Et la délaissée, la femme au bandeau noir, la face étroite et les yeux durs, le surveillait, les pieds, le guettait, dans une angoisse sourde et une colère montante. Les autres femmes avaient fait cercle, et lui, surexcité, fignolait maintenant un cavalier seul, risquait des ronds de jambes, des appels des pieds et des ruades. Il retroussait les pans de son veston. Il se déhanchait, saluait jusqu'à terre la fille blême et muette, et croupant l'air comme un qui joue à saute-mouton, passait entre ses jambes la gouaillerie de sa face rieuse, osait encore des tortillements. Dans la salle électrisée, des rires éclataient et des applaudissements. La fille était devenue verte. D'un geste, elle fouillait sous son tablier sa poche, mais lui, l'empoignant à la taille, l'emportait dans une étreinte goulue, écrasait un baiser sur sa bouche, et les yeux dans les yeux, et de l'humide aux lèvres, appuyait l'un à l'autre, les jambes enchevêtrées, et partout, se touchant étroitement, elle, pâmée et pardonnante, avec un rire de femme chatouillée, lui faro, cabré et fier, valsait et pirouettait dans l'orgueil affiché de la paix enfin faite, et se désirait publiquement. « Le drôle est beau !» chuchotait Claudius à mon oreille. « La petite ne s'embêtera pas cette nuit. » J'avais un sursaut. Sa voix m'avait réveillé d'un songe. L'œil clair et luisant de Claudius pesait sur moi comme une lame. J'en sentais entrer en moi le froid et le coupant. Il inspectait toute mon âme, connaissait mon désir, et jusqu'au trouble inavoué éveillé en ma chair, et par cette scène et ce garçon. Et j'ai senti que j'étais plein de haine pour Claudius et la maîtresse de ce voyou. Si c'est là la guérison annoncée, j'ai peur de cet Anglais. Sa voix fait naître en moi des suggestions abominables. Sa présence me déprave. Son geste crée d'innommables visions. 20 juillet. Étal est absent. Il est parti lundi, appelé à Bruxelles par une lettre. Une vente de tableaux et d'estampes l'a fait quitter Paris brusquement. Il devait revenir le surlendemain. Ou jeudi ou plus tard, et voilà 8 jours qu'il s'éternise là-bas, m'annonçant toujours son retour par de courts télégrammes. Les dépêches s'entassent sur ma table, et mon Claudius ne revient pas. Quelle place il a prise dans ma vie, comme il me manque. Sa présence m'est devenue tellement nécessaire que depuis son absence, comme une faim me creuse et me tenaille. C'est une sensation de faim, absolument, et en même temps j'étouffe et je suffoque. Et pourtant je le sens, je crains et je hais cet Anglais de malheur. 25 juillet. Les trois fiancés de Torop. C'est un envoi de Claudius, une gravure très rare qu'il a achetée à cette vente d'Audenarde et qu'il m'adresse avec une lettre annonçant son retour pour lundi, dans 3 jours. Il sera resté 15 jours absent. Torop, Jean Torop. Je connais ce nom. Il est fameux en Hollande. Le Trois Fiancés. C'est une sorte de diablerie quasi monastique, dans un paysage peuplé de larves, des larves fluentes, ondulantes et vomies, tel un flot de sangsues par de battantes cloches, se dressent, fantomales, trois figures de femmes en lincelées de gaz à la façon des madones d'Espagne. Les trois fiancées, la fiancée du ciel, la fiancée de la terre et celle de l'enfer. Et la fiancée de l'enfer, avec ses deux serpents se tordant sur ses tempes et retenant son voile, a le masque le plus attirant, les yeux les plus profonds, le sourire le plus vertigineux qu'on puisse voir. Si elle existait, comme j'aimerais cette femme, comme je sens que ce sourire et ses yeux dans ma vie, ce serait la guérison. Je ne puis me lasser de contempler et d'étudier l'hallucinant visage. Les trois fiancés, c'est étrange de détails et de composition. C'est du fantasque et du rêve, rendu avec une préciosité étonnante. Cela tient à la fois de la manière d'Holbein et des songeries d'un fumeur d'opium. C'est du catholicisme d'asiatique, me dit Clausius dans sa lettre. Du catholicisme effarant, terrifiant et qui ne s'explique car ce Hollandais de Torop est javanais de naissance. Je sais que vous aimerez ce Torop. Il n'y a que 3 peintres au monde qui peignent les yeux que vous cherchez. Lui, Burne Jones et le grand Knopf. Je sais à laquelle de ces 3 fiancés ira votre désir. N'est-ce pas que l'infernal a les prunelles qui vous hantent? Série d'eau forte. C'est du catholicisme d'asiatique, du catholicisme de perversité et d'extase. Catholicisme effarant, terrifiant et qui s'explique. Car ce Hollandais de Torop est javanais de naissance. Je sais que vous aimerez ce Torop. Il n'y a que 3 peintres au monde qui peignent les yeux que vous cherchez. Lui, Burne Jones, c'est le grand Knopf. Je sais à laquelle de ces 3 fiancés ira votre désir. N'est-ce pas que l'infernal a les prunelles qui vous hantent? Et voilà que je suis hanté maintenant. L'obsession des prunelles d'aigle m'est revenue. En effleurant la cicatrice, Étale a rouvert la plaie. La cicatrice. La blessure était à peine fermée. Pourquoi Claudius m'a-t-il envoyé cette eau forte qui me trouble et cette lettre qui m'angoisse davantage encore? Oh, la hantise des prunelles émeraudées, si c'est là la guérison promise! Il y a du mystificateur en lui. Se ferait-il un jeu cruel d'exaspérer, en l'envenimant, mon mal? 3 août 98. Il devait revenir. Il avait annoncé son retour pour hier. Un télégramme m'arrive. Anvers, départ remis, vais à Ostende, voir en sort. Très curieux artiste. Vous enverrai de ses masques, si je puis faire affaire. Le sait gêné, en abuse, très juif. Et déniché hier ici, chez Brocanteur, une suite d'épreuves Goya, avant la lettre, la série des caprices, un trésor. En détache une, et vous l'envoie, pour vous faire prendre patience. Étudiez-la, lettre suit. Amitié, août 98. L'eau forte annoncée vient de m'être remise. Les noirs sont merveilleux. C'est une tête grimaçante, au nez camard et aux yeux visionnaires, des yeux de fièvre, d'une ardeur effrayante, allumés comme des fanaux dans des orbites caverneuses. Une tête socratique dont toute la vie semble darder dans les prunelles, tête d'alchimiste ou de cénobite ossifiée, desséchée, une tête de chauve-souris aux lèvres minces, comme usées de prières, des lèvres de vieille femme dont la bouche rentre et, creusée, fait trou. Là-dessous, la fuite brusque d'un menton bref, donnant au profil l'aspect d'un museau, et sur cette chope décrépite, ratatinée et séculaire, surplombe et se développe un front démesuré, énorme, à faire éclater les tempes. C'est la disproportion effarante d'un gigantesque cerveau. L'absolue calvitie du front fait de cette tête un glabre et fantastique crâne. Un crâne sous lequel le triste museau s'écrase, et ses errantes et pâles fumées, et l'ivoire poli de ce crâne prodigieux, fume, ondule et moutonne. Ce crâne boue et fume, comme le couvercle d'une chaudière, et ses errantes et pâles fumées deviennent dans le noir de l'eau forte des mufles et des becs, autant de bêtes grimaçantes, autant de larves et de vénéneuses nudités. L'anormal cerveau peuple la nuit de rictus et de menaces. Et en marge, soulignant le cauchemar abominable, cette pensée de Goya en français et en espagnol. Le génie dénué de la raison enfante des monstres. Pourquoi Claudius m'a-t-il envoyé cela? Que veut-il dire? Quel est son but? Quel est le sens de cette eau fort hideuse et de son envoi de lui à moi? Car elle me fait mal à regarder cette introuvable épreuve. Elle m'attire, me repousse et m'attache. Il y a comme un poison dans ses prunelles dardées et fixes. Et l'horreur de ses sangsues à face humaine, de ses virgules ondulantes et fluentes, qu'enfante le crâne en fusion. Le cerveau m'en fait mal. Après le torope, le Goya. J'ai beau chercher, je ne m'explique pas. Et ce retour différé de jour en jour, quel jeu sinistre cet anglais de mystère joue-t-il donc avec moi? 5 août. Toute la nuit, d'étranges reptiles à bec de cigogne, des crapauds ailés comme des chauves-souris, puis d'énormes scarabées au ventre entr'ouvert, tout grouillant d'helminthe et de verre, des enfants nouveau-nés s'effilant en sangsues, et d'atroces imaginations d'insectes et d'infusoires ont pullulé dans les rideaux de mon lit. J'ai sué d'angoisse et me suis débattu dans les affres d'un térébrant cauchemar. L'eau forte de Goya a enfanté ces monstres. Je doublerai ma dose de bromure ce soir. 8 août 98. Une lettre de Claudius. Elle est un bred d'ostende. Une lettre et un rouleau de parchemin. Quelques nouvelles en voie? Voyons la lettre d'abord. Mon cher duc, excusez-moi une fois de plus. Je vous fais faux bond pour la troisième fois et vous avez renoncé cet été à votre saison d'eau et au Tyrol pour demeurer à Paris avec moi. Je serais le dernier des misérables si je n'avais le motif le plus sérieux de vous faire attendre. Le plus merveilleux bibelot, un objet du XVIe siècle, tout à fait rare et d'un modèle dont je raffole, une pièce de musée comme on n'en rencontre plus sur le marché, mais signalée par Ansor, et tout près d'ici, en Hollande, à Leyde même. L'objet et chez un vieux collectionneur dont les vitrines vont être mises aux enchères par licitation. Le pauvre homme est devenu fou et sa famille liquide. Les ventes d'été sont seules abordables. Désastreuses pour le vendu, l'acheteur y peut trouver son compte. Je pars dans une heure pour l'aide. je reviendrai avec l'objet ou je ne reviendrai pas, car s'il est tel que me l'a dépeint en sort, c'est une pièce unique et qui sera ma gloire. Pour la fixer, je reprendrai mes pinceaux et retrouverai mon talent. Je peindrai cette chose ou je ne toucherai plus jamais une toile. Vous la verrez et l'aimerez comme moi, plus que moi peut-être, et alors nous serons rivaux. Si je n'avais pas trouvé cette chose telle que me l'a racontée en sort, cet en sort voit avec son imagination, mais sa vision est d'une probité parfaite, d'une précision géométrique presque. Il est même un des seuls qui voit. Il a l'obsession des masques comme nous. C'est un voyant comme vous et moi. Les bourgeois le traitent de fou. Je lui ai narré votre cas, et il s'y est intéressé naturellement. Il s'est pris d'une belle passion pour vous, sans vous connaître. Entre malades, on se comprend toujours, et pour vous marquer sa sympathie, il a choisi dans ses cartons une de ses plus belles eaux fortes et m'a prié de vous l'offrir. Je vous l'adresse signée de lui. C'est sinon la plus belle, du moins la plus intense de sa série de masques. Vous verrez quel homme est cet encore, et quelle merveilleuse divination il a de l'invisible et de l'atmosphère que créent nos vices. Nos vices qui de nos visages font des masques. Attendez maintenant un télégramme de l'aide qui vous annoncera et mon succès, et cette fois mon retour. Étal. Je n'ai pu, pour mon compte, faire affaire avec Ansor. Voilà encore sa rentrée différée, son absence prolongée, et jusqu'à quand maintenant? On dirait que chez lui un parti pris d'énerver et d'exaspérer ma patience. Et ce bibelot unique, cette pièce de collection qu'il est parti acquérir en Hollande, et dont il veut peindre un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que cela peut bien être? Quelques mystifications encore? Une curiosité m'étreint, et en même temps un doute, un soupçon et une grandissante terreur. Je devine une amorce dans tous ces envois de gravures hideuses et hallucinantes. Elle me détraque et déprave le cerveau. Peuple mon imagination de stupeur et de transe, et la trépidation nerveuse de cette perpétuelle attente. Je suis entré dans du mystère est entré en moi, et comme un vaste filet m'enveloppe et m'en serre. Je sens d'heure en heure des mailles de ténèbres se rétrécir autour de moi, et cette eau forte d'en sort. Ce nouvel envoi, quelle horrible chose est-ce encore? Je ne décachèterai pas ce rouleau, non, je ne veux pas l'ouvrir. Non, cette fois, je ne toucherai pas ce parchemin. Cette gravure, je ne la verrai pas. 9 août 98. La luxure. Ma curiosité a été la plus forte. J'ai rompu le cachet du rouleau. La luxure, tel est l'intitulé de l'eau-forte d'Ansor. Une scène, on dirait, à première vue, d'hôtel garni. Les quatre murs d'une triste chambre de joie, là le fauteuil de velours capitonné, ici la commode d'acajou, un décor de vices banal et bourgeois. Dans le fauteuil, les mains étalées sur le ventre, un affreux bonhomme à lunettes se prélasse, une face prognate, glabre et béate, de vieux notaire ou de pharmacien adjoint et marguillier. Un bedonnant homais, dont le cou tendu, le groin et les gros yeux myopes, boivent avidement le spectacle du lit. Une alcôve de campagne à la couche trop haute sous les rideaux relevés en bonne grâce, et sur ce lit, éclairant la pénombre, s'écartent deux grosses jambes nues, s'étale la bouffissure blême d'une prostituée grasse, d'une gouge à tête de bonne, au ventre énorme. Hideusement ballonné et tendu, on dirait gonflé par la semence de toute une caserne. Auprès de la fille repue, tout contre cette chair saturée hélas, une maigreur se tasse et se blottit, un triste élan en soutané qui, rageur, étreint la femme et goulement lui suce et mordille la nuque. Oh, la face dure et crispée de désir de l'homme et ses yeux blancs chavirés de luxure. La luxure, coiffé d'un bonnet grec, du fond de son fauteuil, le gros homme à lunettes contemple, exulte et flambe. À ces ignobles et bas spectacles, si la fantasmagorie des murs ne le haussait soudain à une grandeur farouche, car la chambre de joie est hantée. Sous le burin de l'artiste, le dessin même du papier de la chambre est devenu une sinistre et pullulante tapisserie. Cette chambre, des têtards et des gnomes, au corps virgulé et fluent, l'habite. Des grimaces et des rictus, d'aveugles yeux morts et des bouches baveuses flottent sur les murs et dans les rideaux du lit. La luxure des trois masques représentés là, la luxure impuissante et stérile a peuplé cette chambre d'êtres amorphes et de fœtus. Un grouillement de monstres mort-nés a jailli des prunelles en joie du marguillier, comme du baiser glouton du séminariste. Sur l'épreuve de luxe, d'un fer savant, mais intransigeant et brutal, on sort à paraffer de sa signature les vers de Baudelaire. Au duc Jean de Fréneuse, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, la luxure, et pantelant de dégoût, j'ai senti frémir l'ancien feu de mes moelles. Si la vieille folie était encore en route, or cette eau-forte vengeresse, et en examinant de plus près les figures, il m'a semblé que le séminariste me ressemblait. Il a ma maigreur et mes yeux fixes et tristes. C'est odieux cette ressemblance. Est-ce voulu, est-ce un hasard? J'ai attentivement examiné l'épreuve, et il m'a semblé qu'on avait retouché à la plume après coup. La figure de l'homme, de celui qui dévore la nuque, de la gouge endormie. Oui, il y a une retouche. Qui a retouché? Étal ou Ensor? Étal, sûrement. Ensor ne me connaît pas. Pourquoi m'ont-ils envoyé cela? Oh, c'est mal de me troubler ainsi. Je me sens sombré dans l'inconnu, ma cervelle fond, toutes mes moelles flambent et mon cœur comme décroché chavire et flotte. Et cet étal m'avait promis la guérison. L'homme aux poupées. 13 août 1898. Pierre de Théramont sort de chez moi. Théramont est un de mes vagues cousins, un de ses alliés, indéfini et lointain, qui se multiplie, innombrable, dans toute famille du faubourg. Encore un de ces apanages de la noblesse, que cette séquelle de consanguin, que chacun y traîne après soi, et dont on retrouve toujours un rejeton dans n'importe quelle ville de province, si reculée qu'elle soit. Oui, un privilège et une plaie que cette armée de collatéraux et descendants de même sang et de même blason. Mais Théramont est un des rares parents que j'ai jamais pu supporter. Il est même le seul avec qui j'ai conservé quelques rapports. Théramont est joueur, comme les cartes. Au collège, il me volait mes billes. À la ville, il a continué des emprunts pour les besoins de ses parties au cercle. Et comme il est pauvre et sans préjugés, j'ai consenti à ce rôle de banquier et continué à lui servir des sommes qu'il a toujours négligé de me rendre. J'aime son cynisme insouciant. Je lui crois pour moi une sorte d'affection, car je le sens incapable de reconnaissance. Les tares qu'on me prête lui sont comme une excuse des siennes, et plus de 10 fois affiché au club, son égoïsme apprécie en moi l'équivoque de ma réputation. Mais fin comme l'ambre, Pierre a toujours observé vis-à-vis de moi une réserve parfaite. Avec un dandysme intéressé, il a toujours pratiqué cette courtoisie de paraître ignorer les abominations qu'on colporte sur mon compte, et ne m'a jamais interrogé sur l'emploi de mes journées et le mystère de mes nuits. C'est un garçon taré, mais plein de tact. L'espèce s'en fait rare. Et je lui sais autant de gré de ses qualités que de ses défauts. Aussi, étant donné l'homme qu'il est, la démarche qu'il vient de faire auprès de moi et tout ce qu'il m'a dit à propos d'Étal ne laisse pas de m'inquiéter, car c'est au sujet de Clodius que Théramon est venu me voir. C'est de Clodius qu'il m'a entretenu, et cela pendant 2 heures. À travers les réticences et la veulerie d'une conversation à bâtons rompus, j'ai bien compris qu'il était alarmé de ma liaison avec cet Anglais, qu'il n'était pas le seul à s'en inquiéter dans mon monde, qu'il était presque dépêché par la famille et d'anciens amis de cercle. On se préoccupe dans Paris de mon intimité avec cet Anglais, et si détesté que je sois, je commence à intéresser mieux. J'intéresse comme quelqu'un qui court à un danger. Pourtant, Théramon n'a rien formulé de précis contre Étal. Et ses 1001 racontars sur sa vie à Londres et aux Indes ne m'ont rien appris de nouveau, rien. Je connaissais la série de ses mystifications à l'égard de Lady Clevenor et autres pairesses. Pierre a ajouté quelques fâcheuses histoires aggravées d'interventions de la police qui auraient précipité le départ de Clodius, bien plus efficacement que son procès perdu. Si graves qu'elles soient, ces histoires ne m'ont point surpris. Étal ne serait pas l'artiste qu'il est s'il n'était rotomane. Mais ce qui m'a, tout à fait estomaqué et fait réfléchir, ce sont les questions de Théramon au sujet des cigarettes d'opium et de la collection des poisons d'Étal. Il en aurait rapporté tout un arsenal de son voyage aux Indes. Poisons mystérieux, au nom même inconnu en Europe. Stupéfiants, narcotiques et aphrodisiaques. Aphrodisiaques surtout, et les plus terribles, obtenus à prix d'or ou de fabuleux échanges des maharajas et des fakirs. Tout un dangereux trésor de poudre et de liqueurs sinistres dont il posséderait à merveille le dosage et la cuisine, et emploierait l'énervante alchimie aux pires entreprises. On parle de volonté domptée, de résistance atrophiée, et d'énergie devenue impuissante chez des hommes comme chez des femmes, après l'usage de certaines cigarettes offertes ou de parfums envoyés par Étal. Un de ses amis, ancien camarade d'école et peintre, comme lui choyé par la mode, serait devenu idiot en moins de 2 ans de fréquentation dans l'atelier de Clodius. Certaines cigarettes préparées par lui provoquent au pire débauche. Et la jeune duchesse de Surley serait morte en 6 mois pour avoir respiré chez lui d'étranges et capiteuses fleurs, dont la propriété est de nacrer la peau et de cerner délicieusement les yeux de qui les respire. Dangereux élixir de beauté offert par Clodius à qui pose chez lui, et dont la marquise de Beacoscombe serait morte, elle aussi, si par ordre du médecin, elle n'avait suspendu ses séances. Les merveilleuses fleurs éveilleuses de pâleur et de cerne contiennent, paraît-il, le germe de la phtisie dans leur parfum. Par amour de la beauté, par ferveur des carnations délicates et des regards noyés de langueur, ce Clodius Étal empoisonnerait ses modèles. Théramon m'a demandé aussi si je connaissais à Étal une certaine émeraude montée en bague et dont la transparence verte contient un si puissant toxique qu'une seule goutte sur les lèvres d'un homme suffit pour le foudroyer. Cette effroyable mort glauque, Étal l'aurait 2 ou 3 fois essayé devant témoins sur des chiens. Cigarettes cantharidées, pipes d'opium, fleurs vénéneuses, poisons d'extrême-Asie et bagues meurtrières, j'ignorais tout cela. Jamais Étal ne m'en avait soufflé mot. J'entrais avec les récits de Théramon dans une légende redoutable et funèbre. Le pervertisseur, le corrupteur d'idées que je le savais être, se doublait d'un René le Florentin. Mon poisonneur était définitif. Ce gnome avait tous les venins. J'accueillais ses propos avec indifférence. Avec sa légèreté de clubman, Théramon, sans y ajouter plus de foi que cela n'en méritait, avait tenu à m'avertir. Il venait de Trouville et partait le lendemain pour Ostende. En passant par Paris, il était monté chez moi, m'en touchait 2 mots et m'engageait seulement à me tenir sur mes gardes. Là-dessus, il prenait congé sans m'emprunter les 100 à 200 louis dont il taxait ordinairement ses visites. Et cela ne manqua pas de m'inquiéter bien plus que toutes ces révélations. Sa démarche n'était pas un prétexte à emprunt. La chose était vraiment grave. Ce joueur s'était dérangé pour rien. 20 août 1898. Je sors de chez Claudius. Ce matin, à la première heure, un petit bleu m'annonçait son retour. La merveille de l'aide est à moi et chez moi. Venez l'y voir. Nous sommes tous les deux arrivés cette nuit. La merveille de l'aide. Étal avait réalisé son désir. L'incomparable bibelot, la pièce de musée qu'il avait retenue 15 jours en Hollande, était enfin en sa possession, et j'étais convié à venir admirer l'objet. J'ai vu la merveille, et la merveille m'a laissé froid. Pourtant, avec quelle précaution et quelle ingénieuse mise en scène, Claudius ne m'en a-t-il pas fait les honneurs? C'est une à une qu'Étal a rejeté les draperies dont la vitrine était voilée. On eût dit qu'il prenait plaisir à faire durer mon impatience. Et enfin, entre 4 hauts panneaux de glace reliés entre eux par des baguettes de cuivre historiées, la poupée me fut révélée. Car c'est une poupée, ou plutôt un mannequin de cire, représentant une petite fille d'environ 13 ans, de grandeur naturelle, et sous ses lourds vêtements bossués de broderies, d'arabesques de soie et de fleurons de perles, assez semblable à la poupée des Valois exposée il y a 3 mois rue de Sèze, à la galerie Georges Petit. Debout dans sa guérite de verre, la poupée des Valois avait l'air d'une petite princesse de la cour d'Amboise, captive dans un bloc de glace. C'est une infante qu'Étal a rapportée de l'aide. Une infante aux cheveux de soie pâle, presque argentée, toute raide dans un corps baleiné de velours cramoisi, reluisant de ferret. Une infante, on dirait, descendue d'un cadre de Velasquez, avec cet aspect de morte embaumée qu'ont toutes les figures de cire. L'œil d'Étal, singulièrement allumé, couve et caresse les transparences livides, et les roses ternies de cette chair factice. Moi, cette pâleur jaunie, ses lèvres décomposées et comme durcies, la cernure violacée de ses prunelles vitrifiées m'angoisse et m'épouvante, la sécheresse fluide des petites mains, comme fondues, me frappe de stupeur. Cette poupée sent la mort et l'humidité des cryptes. La somptuosité seule des vêtements m'intéresse. Ils sont devenus couleur de cuir et d'amadou, à la fois décolorés et dorés par les siècles. Les broderies de soie vivent encore dans le fauve des velours, broderies de soie et de perles où mon regard s'attarde, moins par la richesse qui persiste en elles, que pour éviter les affreuses prunelles immobiles de mannequins. Étal et moi, nous gardons le silence, je sens qu'il m'épie. Que mon indifférence lui est une déception. Il s'attendait à de l'extase, à un flot de paroles admiratives et enthousiastes, et ma froideur le déroute, l'inquiète. Vous n'êtes point mûr pour cet art-là, conclut-il en rajustant autour de la vitrine les morceaux de serge verte. J'aurais cru que vous auriez aimé la délicatesse de ce modèle et les nuances infinies de décomposition de cette chair. Songez que cette poupée est un portrait, mieux une statue peinte, une délicieuse et précise effigie, qui, plus profondément qu'une toile et qu'un marbre, a retenu sous le doigt des modeleurs l'âme esquise et tragique des siècles. Moi, j'ai le culte et la folie de ces cires. Je les trouve bien supérieures aux portraits. Peut-être aimeriez-vous mieux celle-ci? Brusquement, il ouvrit une petite porte et me poussait dans un réduit obscur contigu à son atelier. Très haut et très étroit, l'air d'un intérieur de puits, c'était plus une grande armoire qu'une pièce. des rayons de bibliothèque y régnaient, mais plus espacés que pour y recevoir des livres. Et dans l'ombre de leur intervalle, c'étaient les yeux vitreux et les lèvres fanées de plus de 20 bustes de mortes, 20 cires aux coiffures historiées et historiques, sous les paillons piqués dans la soie terne de leurs cheveux. Et parmi ces têtes, toutes de femmes ou de jeunes hommes adolescents, j'en reconnaissais d'illustres et de classés dans les musées, celle du musée de Lille, entre autres, et sa douceur résignée, et la femme inconnue, et le mystère de son mince sourire, et des profils historiques comme ceux de Marguerite de Valois, d'Agnès Sorel, de Marie Stuart, et d'Élisabeth de Vaudemont. Un boudoir de morte, en vérité, que ce lugubre étal de ressemblance disparut. Claudius atteignit un de ses bustes et me l'offrait, un peu renversé dans la lumière, pour me le faire admirer. C'était une tête d'adolescent, au nez brusque, le menton creusé d'un coup de pouce, avec une saisissante expression d'énergie, dans le bombement du front, et la proéminence des arcades sourcilières au-dessus des yeux enfoncés. Une face douloureuse et souffrante d'enfant tragique, une tête de mutisme et de défi, belle par le silence de lèvres minces et renflées. La pâleur verdâtre de la face amaigrie, et demeurée pourtant carrée, accentuait encore l'amertume de la bouche. Au-dessus, au-dessous, dans un blason larmé trois perles, les trois pilules des Médicis.